Narcos, je prends le micro pour tous ceux qui boxent dans la vie comme sur le ring. Non, you don't understand. I'm not here for girls. I want to fight. I want boxing. I can show you I can fight. Please, come on, I want to fight. Je fracasse tout comme Jérôme le Banner. Si tu veux qu'on clash, t'inquiète pas, je serai à l'heure. Pourquoi tu te caches, t'as la frousse. Avec un mic, je suis plus efficace que les brousses. Appelle-moi Vandame, contre toi je n'ai pas d'état d'âme. J'entame le premier round, direct faut que ça tape. Un flow aussi énorme que Bob Sapp, pas besoin d'être déguisé. Mes rimes sont aiguisées, plus tranchant que le crochet de Cassius Clay. Controversé comme Mike Tyson, dès que j'entame un couplet. Personne me résonne, ma voix résonne comme le gong qui annonce la fin du 10ème round. D'un combat clandestin à Hong Kong ou d'un gala de boxe à Miami, tous les coups sont permis. Mélange de hardcore et de conscient, n'oublie pas ton protège-dents. Ici c'est libre combat, on fera de ma vie un film comme Dida. Tous tes souvenirs défilent, balance mon direct du droit. J'enchaîne les comparaisons, les métaphores. Si tu mets KO, t'es vraiment fort. Kickboxing ou sous contact, anglaise ou savate. Imagine les impacts. Si tu tiens pas le coup, mets-toi au ping-pong ou à la natation, la boxe. Noble art qui rassemble tous les peuples de toutes les nations. Les gens aiment beaucoup la violence. Ils ralentissent à la vue d'un accident de la route pour voir s'il y a des morts. Certains prétendent raffoler de la boxe. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est en réalité. La boxe, c'est une question de respect. Savoir gagner le respect des autres et savoir en priver ses adversaires.